avant d'être dans nos comptes. Dire que ce sont des riches qui la cherchent, je trouve que c'est un comble. Si la vie était un musée, je serais abstrait, car représenter la réalité me gênerait. Mais j'aimerais clarifier les choses, c'est la légèreté de leurs agissements qui entraîne la lourdeur de mes proses. J'expose le problème sur fond sonore, car les images sont des mirages qui nous déshonorent. Demande à ma jeunesse si elle se projette dans le futur ou bien si elle pense qu'on la rejette. Demande au président s'il se projette dans le futur ou bien s'il pense qu'on le rejette. Comment se créer un avenir si ceux qui nous gouvernent se demandent eux-mêmes où est-ce que tout ça nous mène. Ce n'est pas un débat politique mais humanitaire, car avant d'être un statut social nous sommes des mammifères. Est-ce clair? La vérité sort de nos bouches. Nous sommes des mômes voulant côtoyer un destin farouche. Rouge est la couleur de nos iris, car peur d'être les victimes d'un complot comme Osiris. On se dirige vers un abattoir, voilà pourquoi on veut se démarquer des autres et courir après la gloire. Je t'entends dire que c'est vrai après ce morceau. Certains truands de la galère demandent à Morsaï. Certains truands de la galère demandent à Morsaï. Certains truands de la galère demandent à Morsaï. Certains truands de la galère demandent à Morsaï. Henri Fin, bien. Trag, bien quoi, gros. Toi aussi t'as des choses à dire? Ouais, ouais. Ah, vas-y, prends la suite, ça marche. Vas-y. Dealer. Ça fait, c'est triste à dire, la France nous baisse avec ses règles et c'est moi qui saigne. C'est par dizaine que les problèmes s'entassent, sûr d'avoir une vie saine. Dans le peurage évacue, dans la cabine y'a des éclats d'obus, j'ai mis le maillot de Paris. Et ma mission c'est d'aller droit au but, la balle au pied. J'suis un prodige comme Olivier Hatton, les MC parlent de rime au kilo. Moi je viens vous livrer la tonne, j'écoute pas tous ces rappeurs qui ont le trou de balle qui se dilate. Donc j'tire sur un bédo qui mettra bien près dilate. Et j'm'en tape de ce que les gens pensent, car ils écoutent ce que les gens disent. Me méfie même de ton pote, même si tu me dis qu'il est gentil, je fais confiance qu'à moi-même. Mais je t'avoue que c'est choquant, t'envoies de toutes les couleurs, car ici le décor est choquant. Chacun a le droit de s'exprimer, que l'état le veuille ou pas. Pendant qu'ici tu t'amuses bien, sache que certains pleurent autre part. Le peuple est manipulé, je t'avoue, y'en a marre de ça. On a plus la tasse, on veut pas se noyer dans une mare de sang. Alors mon pote, j'étais clair ou bah t'as été plus